Bonjour et bienvenue à Radio AON. Ici Maxime Tremblay, l'animateur de ce podcast. Et ce soir, je rencontre une autre candidate d'Option nationale qui s'appelle Catherine Douénard. Bonsoir Catherine. Bonsoir Maxime. Ça va bien? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, surtout. Sans vous, les gens d'Option nationale, sans vous, les candidats, ben, il n'y en aurait pas de choses comme ça, évidemment. Catherine, en premier lieu, j'aimerais que tu me parles de tes expériences passées et tout ce qui fait dans ta carrière aussi et dans tes études qui t'a mené jusqu'à Option nationale aujourd'hui. OK. Ça risque d'être un parcours assez tortueux, mais vous allez voir que tout ça, ramené ensemble, ça finit par faire du sens. Mais on a du temps, il n'y a pas de problème. C'est ça la beauté du podcast, il n'y a pas de limite. Super. Alors, pour l'instant, je suis candidate dans Robertval, au Lac-Saint-Jean, mais je viens de Montréal. J'ai étudié au départ en économie, j'ai fait le baccalauréat international en économie à Jean Brébeuf au collège. Ça, il y en a des fois qui pensent que c'est l'équivalent d'un bac à l'université, mais c'est pas vraiment ça. Dans le fond, c'est un peu plus comme le bac français, là. Donc, c'est en même temps un DEC et un bac international. Donc, bref, en économie. Ensuite, j'ai transféré l'autre bord de la rue au HEC, où est-ce que j'ai continué en économie, je faisais du marketing. Mais ensuite, j'ai voulu changer de branche un peu. Je suis du genre à aimer bien toucher quelque chose, puis aller voir ailleurs qu'est-ce qui se fait. J'ai une grande, grande curiosité, donc j'ai toujours l'impression que je peux en apprendre plus ailleurs. Donc, j'ai complètement laissé le veston et les talons hauts pour m'en aller étudier au Lac-Saint-Jean, c'est là que j'ai découvert le Lac-Saint-Jean, en technique du milieu naturel au Cégep de Saint-Félicien. Et ça, c'est pour devenir guide naturaliste, en fait. Bon, il y a plusieurs voies de sortie, mais c'est celle-là que moi, j'avais choisie. Et donc, j'ai été naturaliste au Zoo sauvage de Saint-Félicien, ce qui me donne un grand intérêt, en fait, pour la nature, pour le développement durable, la préservation de l'environnement. Sauf que encore là, je sentais qu'il me manquait quelque chose. J'aime beaucoup la nature, mais je sentais que je pouvais faire plus encore en tant que transmission de connaissances. Donc, je suis allée faire mon bac en enseignement. Là, je suis enseignante actuellement en adaptation scolaire. Donc, pour les élèves qui ont des difficultés de comportement ou des difficultés d'apprentissage. L'anecdote, là, ma conjointe fait exactement la même chose présentement. Ah bon? Pas au Lac-Saint-Jean toujours? Oui, oh, c'est désolée sûr. Pour le téléphone. Je pensais l'avoir débranché. Ah, oh, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Bref, je fais adaptation scolaire en ce moment. Et ce qui fait que on voit dans mon parcours que je suis quand même pas trop, trop politicienne. Je suis pas du genre à me dire, dès que j'avais 14-15 ans, « Ah, un jour, je vais être en politique », mais vraiment pas. Non, mais en même temps, de par tes expériences, tu sais, on parle des études en économie, en marketing. Après ça, tu pars au Lac-Saint-Jean, là, tu es rendu en enseignement, puis tu as été guide nature. Donc, moi, ce que je vois là-dedans, c'est un intérêt de toujours découvrir des nouvelles choses et de toujours vouloir en savoir plus. Ça, c'est des qualités qui sont importantes en politique. Effectivement. Et aussi, ce que je vois comme lien entre tout ça, c'est communiquer ce que j'aime. Le marketing, c'est ça aussi, hein. C'est amener à voir comment toucher les gens pour, bon, avec le marketing, c'est vendre, mais comme naturaliste, c'est enseigner un peu la nature, comme enseignante, c'est enseigner. Mais là, je me rends compte, avec ce que je fais dans cette campagne-ci, que ce que j'aime beaucoup dans mon travail de candidate, c'est de parler d'un parti que j'aime beaucoup. Il y a encore là la question de la communication. Oui, je comprends. Et puis, justement, tu touches présentement à un point qui est quand même important parce que là, tu parles de communiquer beaucoup les idées et tout ça. Toi, présentement, là, tu habites toujours au Lac-Saint-Jean, évidemment, tu es dans le comté de Robertval. S'il y avait une caractéristique principale qui pourrait définir les gens de ton comté et puis leurs préoccupations, ça serait quoi présentement? Pour ce qui est des préoccupations, je vous dirais qu'ici, dans Robertval, c'est le mot forêt qui me vient en tête. On est vraiment dans le comté le plus forestier, je pense, du Québec. On a eu des crises récemment par rapport à ça. La papetière de Dolbeau vient juste de rouvrir, mais ça, disons que ça a été un dossier pas facile. Et comme c'est là, personnellement, je suis pas convaincue que c'est encore organisé pour le long terme. Alors, la stabilité des emplois liés à la forêt, les ressources naturelles, c'est une grande préoccupation pour les gens du comté ici, je pense. Oui, ben c'est vrai. Puis vois-tu, moi, présentement, j'habite au Bas-Saint-Laurent, mais mes origines, je viens de la Côte-Nord. Et puis c'est un milieu qui est très très forestier aussi. Et évidemment, j'ai vécu toutes ces crises forestières difficiles là. C'est beaucoup plus au niveau d'exploitation là-bas, mais c'est quelque chose qui est très difficile. Beaucoup d'emplois qui ont été perdus effectivement. Et selon toi, la plateforme. Bien, en fait, de ce qu'on connaît d'Option nationale, il y a des éléments importants dans cette plateforme-là qui peut aider les gens du comté de Roberval. Absolument. Et c'est en ça que je suis toujours contente quand j'ai l'occasion de parler aux gens du comté de Roberval de la plateforme d'Option nationale parce que je leur dis, regardez comme il y a quelqu'un qui pense vraiment aux préoccupations à long terme aussi liées aux ressources naturelles, à la forêt entre autres. Parce que je trouve que la plupart des autres partis vont souvent avoir des promesses, pardon, excuse-moi, des promesses à court terme pour patcher le bobo. Mais Ouais. est-ce que ça solidifie les choses pour le long terme? Je suis pas certaine. Et un terme que je pourrais utiliser pour définir ce que je comprends de la plateforme d'Option nationale, c'est le développement durable. Et ça, c'est un terme qui a été un peu galvaudé par le dernier gouvernement surtout, et on dirait que eux, ils ont pris le terme que je trouvais très noble de développement durable pour en faire quelque chose de purement économique, durablement économique et bien souvent dans leur poche à eux. Alors que le développement durable, tu sais sûrement c'est quoi, mais j'aime toujours le rappeler à tout le monde, c'est de penser à long terme, en termes égaux d'économie, de social et d'environnemental, avec ces trois aspects-là au même pied d'égalité et toujours à long terme. Moi, je suis quand même un peu proche des différentes nations autochtones du Québec et ils ont souvent la manière de parler, de penser aux 7 générations à venir. Et je trouve que c'est très sage, puis c'est quelque chose qui est inclus dans le principe de développement durable. Donc, quand on parle de développement durable pour la forêt, précisément, il s'agit de, premièrement, diversifier les avenues par lesquelles on va utiliser la forêt. Évidemment, un point central, c'est la nationalisation des ressources naturelles. Ici, principalement au lac Saint-Jean, on peut dire on est souvent pris pris en esclave ou pris en chantage avec les grandes entreprises parce que ils vont être le seul gros entrepreneur employeur dans le coin, puis donc ils sont en belle position pour réclamer toujours plus de subventions Ce qui est et vrai pour pour plusieurs, finalement, comtés dans le Québec, où est-ce que la ressource se trouve, que ce soit la ressource forestière ou d'autres ressources, mais c'est vrai que c'est un scénario qu'on retrouve très souvent, effectivement. Tout à fait. Et en plus, de plus en plus, ces compagnies-là, qui étaient au moins avant des fleurons de l'économie québécoise, deviennent maintenant des multinationales dont le siège social va être souvent à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada. Donc, ils ont plus le souci de développer la ressource de manière durable et d'avoir une responsabilité sociale dans leur milieu. Ce qui fait que moi, je suis plutôt insultée par ce que je vois de ces compagnies-là et on apprend des fois que les fonds de pension peuvent être précaires. Alors, quand je vois ce qu'il y en est avec la plateforme d'Option nationale, c'est que en nationalisant les ressources naturelles, ça se fait en gardant un partenariat avec les compagnies privées, mais le Québec, le gouvernement, l'État devient le maître d'œuvre. C'est le gouvernement qui décide de quelle manière les ressources vont être gérées et comme c'est l'État qui décide pour son propre peuple, il y a tout intérêt à le faire en ayant en tête le long terme. Je pense que de cette manière-là, les retombées économiques reviennent principalement aux Québécois pour développer l'économie de la place. Et en même temps, c'est tout à l'intérêt du Québec, du gouvernement, de s'assurer que les régions restent bien revitalisées par ces emplois-là. Et en même temps, on ne se cachera pas que beaucoup de gens, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont peur justement que, en faisant ça, c'est que les industries s'en aillent ailleurs, parce que c'est ce que ces industries-là menacent tout le temps. Mais finalement, lorsqu'on regarde ça sur le long terme, c'est qu'ailleurs, lorsque les autres ressources vont être épuisées, celles qui ne l'auront pas été encore vont être ici. Fait que si ils ne sont pas exploités maintenant, puis que les entreprises n'acceptent pas les nouvelles conditions maintenant, c'est que lorsqu'ils vont revenir pour continuer d'exploiter les ressources restantes ici et qui vont être encore plus propres, ben, à ce moment-là, nos ressources vont valoir encore plus cher. Et puis Mais c'est. c'est tellement ça. Mais c'est donc la nationalisation des ressources, c'est vraiment un investissement à long terme très, très important et où c'est vraiment le Québec et le peuple québécois qui vont en profiter à ce moment-là. Mais tout à fait. Puis tu vois, en ce moment, je suis tellement contente de t'entendre parler comme ça. Et c'est ce que j'ai tant aimé à découvrir Option nationale, parce qu'il me semble qu'avant, j'étais un peu toute seule dans mon coin, avec deux, trois amis, à se dire, mais il me semble qu'il y aurait donc moyen de gérer les choses différemment. Comment ça se fait qu'il y a personne qui se rend compte de ça? Puis on était juste quelques-uns dans la cuisine à parler de ça, puis on se disait, mais est-ce qu'il y a un jour quelqu'un qui va se réveiller puis se rendre compte qu'il y a moyen de développer les choses à long terme? Et quand j'ai entendu parler, bon, pour commencer, Jean-Martin Rossan, sur YouTube, et ensuite d'autres candidats puis d'autres sympathisants d'Option nationale, tout d'un coup, ça faisait, mais yay! Je suis pas toute seule. Puis il y a des gens qui se regroupent pour penser à long terme et qui prennent la parole publiquement, puis qui même fondent un parti pour penser le Québec de cette manière-là. Et franchement, ça me rend tout à fait fébrile de voir ça. Je suis vraiment contente de voir ce qui se passe avec l'émergence d'options nationales. J'ai vraiment espoir pour le Québec qui s'en vient, là. Dans ce cas-là, ce serait pas faux de dire que c'est vraiment un coup de cœur pour toi aussi, finalement, d'avoir milité pour Option nationale parce que ça rejoignait tes valeurs et enfin, il y avait une plateforme qui te rejoignait, qui te touchait et d'autres candidats, finalement, aussi qui ont été touchés un peu tous de la même manière par des coups de cœur comme ça et qu'on se disait, enfin, on a quelque chose d'intéressant à mettre sur la table, enfin, un parti qui ose dire les vraies choses, qui ose tenir tête aux grandes corporations pour le bien commun, finalement. Mais tout à fait. Puis j'ai des amis qui rient un peu de moi, ils me trouvent un peu trop enthousiaste. Puis ils disent, tu vas voir, tu risques de vite déchanter. Mais je pense qu'on n'est pas condamné au cynisme. Puis je pense qu'on peut avoir le droit d'avoir de l'espoir pour notre société, surtout quand c'est mené par des gens qui y croient vraiment. Comme tu dis, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi, pour Option nationale. J'avais jamais pensé faire de politique parce que j'aimais pas la politique. J'étais intéressée, c'était quelque chose que je savais qui était essentiel, mais mon Dieu, que c'était donc croche, ça me puait au nez. C'était toujours des histoires de profiter de ci, de ça, de faux semblants. Beaucoup de vieilles chicanes aussi De là-dedans, là. fausses promesses, de chicanes, puis je suis pas bien là-dedans. Moi, je suis une fille qui est authentique. Quand je veux régler un problème, j'en parle franchement, mais dans l'écoute de l'autre pour arriver à une solution, pas dans les accusations continuelles. Je les regarde à l'Assemblée nationale, là. Ils sont pires que mes adolescents en trouble de comportement qui n'ont pas appris à se parler. J'aimerais C'est vrai, c'est vrai. tellement aller les voir puis les mettre en punition un peu des fois, les faire réfléchir puis leur apprendre à se parler. Et tout d'un coup, justement, je tombe par hasard. Ben, en plus, c'était dans un contexte où j'étais on ne peut plus révolter comme une grande majorité des gens au Québec, c'était ce printemps-ci avec ce qui se passait avec les étudiants, et pas juste les étudiants, juste la société civile au complet qui a été insultée par ce qui s'est passé. Quand je suis tombée sur une vidéo de Jean-Martin Rossan, puis que je l'entendais parler d'intégrité, puis que je l'entendais raconter son parcours et voir qu'il fait pas juste parler d'intégrité, mais qu'il a agi avec intégrité, il a laissé le pouvoir poursuivre ses idées, Et de la manière qu'il les explique, c'est tellement clair, limpide, et j'ai vraiment envie d'y croire. Je pense qu'on peut y croire. J'ai pas eu le choix d'embarquer dans la vague Option nationale. J'en parlais à tout le monde autour de moi. Ils me disaient, ouais, on sait pour qui tu vas voter. J'espère qu'il va y avoir quelqu'un ici. Au début, on doute un peu quand on voit que c'est un jeune parti. On se dit, est-ce qu'il va y avoir des candidats partout? Et ben là, je voyais qu'il y avait des candidats qui poussaient un peu partout comme des champignons. Là, vraiment, il y en avait partout. Et j'attendais de voir qu'est-ce qui se passerait ici. Et je voulais pas attendre trop longtemps et risquer de me retrouver sans candidat. Donc, j'ai communiqué moi-même avec Option nationale parce que, bon, je suis souvent sur Facebook, puis on voit souvent des pensées qui passent là, qui se transmettent. Il y en a une que j'aime beaucoup qui dit, je me suis toujours demandé pourquoi quelqu'un se levait pas pour mettre la main à la roue pour changer les choses, jusqu'à temps que je me rende compte que j'étais moi-même quelqu'un. Et c'est là que ça me dit, si je veux que les choses changent, ça le fera pas tout seul. Puis je peux être la première à faire le premier pas, puis les autres vont faire la même chose aussi. Alors je me suis offerte à Option nationale comme candidate. Et ben finalement, c'est une aventure que je trouve absolument merveilleuse parce que plus je rencontre de gens, plus je parle d'Option nationale, plus je me rends compte que du moment que les gens connaissent Option nationale, ils trouvent que les idées sont, je dirais pas révolutionnaires, mais d'oser les mettre de l'avant comme ça, d'oser parler de cette manière-là, ça demande beaucoup de cran et ça me donne donc vraiment confiance en ce que peut faire ce parti-là. Et les idées sont censées, et c'est une plateforme qui regroupe des gens qui sont très enthousiastes. Mais attention, par contre, ce que je dis souvent aussi, c'est qu'on ne se cachera pas que les gens sont quand même réalistes. On sait que demain matin, ça va être le 4 septembre, et puis que Option nationale ne sera pas le parti majoritaire aux urnes, t'sais, après les élections. Mais ce que je dis souvent, c'est que le travail qui est accompli maintenant, ce bagage-là, et les votes, le pourcentage de votes qui est amassé, il est traîné. Et puis, ça donne un bagage pour que le parti puisse encore être plus fort aussi la prochaine fois et être représenté quand même par on espère aussi, par M. Ossant dans son comté de Nicolet-Bécancour. Et puis, tu sais, dans le fond, c'est à force de ces batailles-là et de cet enthousiasme-là que je pense qu'on va vraiment aider à faire avancer les choses. J'aurais peut-être une question qui va nous changer un petit peu du chemin dans lequel on a pris, c'est que aujourd'hui, finalement, Option nationale a comme lancé sur les réseaux sociaux une petite campagne promotionnelle, puis je la trouve vraiment sympathique. Ah oui. C'est utiliser le hashtag premier jour. Dans le fond, Oui. qu'est-ce que ça fait? C'est que vous dites, qu'est-ce que le premier jour de la souveraineté, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je te pose la question, Catherine, le premier jour de la souveraineté, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Sûrement plusieurs choses. Écoute, je vais sûrement pleurer de joie. Puis moi, je suis une fille un peu émotive et juste de te parler de ça, j'ai la gorge qui serre déjà d'émotion. Je pense aussi que je vais aller sur la tombe de mes grands-parents pour leur dire, on l'a fait, ça y est, t'sais. Puis probablement aller faire un tour du côté de celle aussi de René Lévesque, d'Édé Fortin, de ces gens-là. Tous les gens qui ont milité tellement fort aussi pour que ça arrive, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je pense que ce serait ça. C'est sûr que je participerais à un méga party, Oui, mais probablement oui. moi, j'aimerais beaucoup, en fait, j'aimerais participer à l'élaboration d'une grande, grande fête nationale, des festivités majestueuses à la mesure du Québec qu'on est, qui durent sur une semaine, qui montre tout ce qu'on est capable d'être. J'ai vraiment hâte. Et je dis que j'ai hâte parce que ben j'y crois. Et j'ai envie de te faire une confidence, mais répète-le surtout à personne. Non, non, il n'y a pas de problème, on n'est pas enregistré du tout. Non, ok. Parce qu'il faudrait surtout pas que les gens le sachent. Sais-tu, jusqu'à temps que j'entende Jean-Martin Ansan, j'étais pas souverainiste. Il y en a plusieurs qui font partie d'Option nationale parce que Ils ont toujours voulu l'indépendance, ils ont toujours voulu un pays. Moi, je sais pas, par mes études en économie, par différentes choses, j'étais vraiment pas convaincue que le Québec était capable d'être souverain. Je trouvais que c'était une très belle idée pour s'affirmer en tant que peuple, pour notre identité de cœur, si tu veux. Mais je me disais que on n'était pas encore assez mature pour pouvoir faire le pas. Jusqu'à temps que, justement, j'entende des arguments économiques. Et j'invite tout le monde qui peut m'entendre maintenant. Non, c'est vrai, on n'est pas enregistré. Mais en tout cas, si jamais il y en a qui nous entendent, qui aillent écouter Jean-Martin Rossan en parler. Moi, la vidéo qui a fait le déclic, c'est celle où il est en entrevue avec Marie-France Bazot. Mais il y en a plein d'autres. Et d'entendre un économiste parler en termes si clairs, si sensés de l'avantage pour le Québec, l'avantage pas juste de cœur et de culture, même si c'est très important, mais aussi l'avantage économique et pour le développement, la stabilité de toute la société québécoise, ça m'a vraiment rentré dedans, carrément. J'ai dit, mais comment ça se fait que je peux être passée à côté de tout ça? Mais je comprends en fait parce que vois-tu, je vais te faire pour rester dans la confidence, moi c'est un peu la même chose aussi. Parce que justement, je suis quelqu'un de super pragmatique. Je pense que l'identité québécoise, c'est quelque chose d'important, mais je pense qu'en 1995, il y a beaucoup de gens là-dedans qui militaient pour dire on veut s'en aller du Canada parce que les Canadiens anglais sont pas fins. Puis je trouvais que ça, c'était une raison un peu bidon, tu sais. Puis je trouvais que ça faisait comme pas de sens. Puis comme je suis une personne très pragmatique, je me disais, Québec, financièrement, est pas prêt, puis ça. Puis finalement, en écoutant M. Ouessant parler, ben justement, un peu comme toi, un peu durant dans les mêmes argumentations, les mêmes entrevues, ben finalement, j'ai réalisé que c'est pas vrai, que l'argumentation économique était très importante finalement, puis que la souveraineté allait nous permettre vraiment de prendre notre envol comme pays et puis d'avoir tous nos moyens en contrôlant nos lois, nos impôts et nos traités. Je vais peut-être clore là-dessus aussi. Et puis, je pourrais te demander, là, c'est le 4 septembre que les gens vont voter dans ton comté. Si, les gens de ton comté qui écoutent cette entrevue, si tu avais un dernier mot à leur dire avant les élections, ça serait quoi? Votez Ah pour moi! Plus sérieusement, c'est j'ai entendu plusieurs gens de mon comté qui étaient très inquiets de la division du vote. Malgré tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on a expliqué pour dire que il faut pas s'en faire avec la peur que nous met en tête les vieux partis, il y en a encore qui sont très touchés par la peur de la division du vote. Mais moi, j'ai envie de parler à ceux de mon comté précisément, là. Si je me fie au dernier sondage, les libéraux ont aucune chance de rentrer. Le parti qui est en tête a le double de l'avance des libéraux. Ce qui veut dire qu'on pourrait y aller avec la moitié des gens qui voudraient voter pour se garder, pour être certain de ne pas avoir les libéraux, là. La moitié de ces gens-là pourraient voter pour moi et les libéraux rentreraient quand même pas. Donc, j'invite pas à ce point-là. Il faudrait quand même se garder une certaine assurance, mais je suis certaine que tous ceux qui auraient envie de voter Option nationale parce qu'ils trouvent que c'est le parti le plus sensé et qui peut faire le plus de bien au Québec, mais qu'eux autres qui gênent pas parce que ça va donner, comme tu disais tout à l'heure, des pourcentages de voix de plus au parti, ce qui permet au parti de se développer et surtout, mon Dieu, que c'est donc plate de voter en se bouchant le nez puis en se disant bah je vote pour ça, mais c'est pas ce que j'aime. Non, il faut voter pour ce qu'on veut qu'il y a de mieux. Et si on vote pour Option nationale, ben ça donne des chances qu'à une prochaine élection, il soit mieux placé encore pour pouvoir éventuellement prendre le pouvoir. Commencer, oui, peut-être par l'opposition et ensuite le pouvoir, mais tant qu'on n'élira pas un parti comme Option nationale qui veut faire la réforme du mode de scrutin, qui veut mettre des élections à date fixe, on va toujours continuer de jouer dans la même boîte qui pue. Donc, j'ai envie de dire aux électeurs de bien penser à leur affaire et de se demander ce qu'ils veulent continuer voir le paysage gris, morne, triste, ou est-ce que ils veulent changer un peu la donne, là, qu'on lave les fenêtres, qu'on regarde dehors comme il fait beau, qu'on vote pour Option nationale. Et puis pour une fois, aller apposer son X dans l'isoloir et en ressortir avec le sourire. Avec le sourire, avec fierté, avec sentiment d'avoir vraiment participé à construire un Québec qu'on aime. J'ai envie peut-être de terminer avec une chose, une dernière. J'invite aussi tous ceux de mon comté, mais aussi tous ceux du Québec, à vraiment aller lire la plateforme d'Option nationale, parce que j'aimerais ça que tout le monde ait l'occasion de vivre la même émotion que j'ai eue en la lisant. Je lisais attentivement, parce que là, je venais de décider d'être candidate, puis avant de me lancer pour vrai, je voulais être sûre que j'étais bien d'accord avec tout ce que je voyais là-dedans. Donc, j'examinais tout avec un œil très, très critique, en me disant, je m'en vais donner mon nom là-dedans. Moi, d'habitude, je dis jamais ce que je pense sur la place publique. Il faut vraiment pas que je me fasse prendre à mon jeu là-dedans. Je le regardais bien attentivement. C'est pas très long à lire, hein, c'est une douzaine de pages. Et à un moment donné, j'étais toute seule chez moi, je me suis bien fait rire, mais j'ai déposé mes papiers sur la table, puis je me suis vraiment exclamée à voix haute. J'ai dit, mais mon Dieu, que j'aime le pays et la société que je vois là-dedans. Je l'aurais écrit moi-même d'un bout à l'autre. C'est comme ça que je veux voir la société. Et il y a quelqu'un qui a la chance de pouvoir prendre le pouvoir, qui a écrit exactement ce que je pensais. Alors, que les gens se donnent une chance de vivre un peu cet émerveillement-là, puis aller lire la plateforme d'Option nationale. Catherine Douénard du comté de Roberval, merci beaucoup pour cette entrevue autant d'émotions. Je te remercie beaucoup, Maxime Tremblay. Merci pour ce que tu fais. Je te remercie beaucoup. Pour les gens qui désirent suivre ce podcast, c'est très facile. Vous allez sur radioaon.wordpress.com et nous sommes aussi sur iTunes. Donc, simplement faire une petite recherche dans l'outil de recherche sur iTunes, la radio à On. C'était Maxime Tremblay, l'animateur. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.